Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le légendaire groupe des Sept, le romantisme canadien en peinture. Depuis quelques années, le groupe des Sept est devenu une légende. Les collectionneurs s'arrachent leurs tableaux à prix d'or. Comblés d'honneur, ils détruisent tout de même une autre légende qui veut que les artistes doivent mourir de faim et ne sont jamais reconnus de leur vivant. Le peintre québécois Henri Masson à l'émission Carnet des arts en 1969, avec ses paysages de forêts sauvages du nord de l'Ontario, le groupe des Sept a profondément marqué l'imaginaire canadien, en plus d'avoir en quelque sorte inventé l'image type que l'on s'est longtemps fait de la nature canadienne, le groupe des Sept en est rapidement venu à carrément incarner ce qu'était devenu l'art canadien au début du 20e siècle. Au milieu des années 50, des reproductions de leurs œuvres se sont retrouvées dans à peu près toutes les écoles du pays et les originaux de leurs tableaux dans les plus grand musée du Canada. Prenez bien attention que les thèmes du groupe des Sept ne sont pas des thèmes ruraux. La nature qui les intéresse n'est pas la campagne. C'est au contraire la nature sauvage et c'est la nature du nord du Canada et de l'ouest du Canada. Mais c'était un mouvement qui voulait regarder le pays et aussi définir, explorer le pays un peu sauvage du pré-nord. C'est pas le grand nord, mais c'est le pré-nord. Pour justement voir dans ce paysage qui trouvait très différent du paysage pastoral de la France ou de l'Angleterre ou des Pays-Bas et même des sections colonisées qui étaient dépeintes par Suzor Côté et d'autres artistes canadiens de la génération antérieure. Mais trouver dans le paysage plus sauvage quelque chose qui était uniquement canadien et d'interpréter ça dans la peinture pour justement créer un art canadien. Charles Hill, conservateur de l'exposition consacrée à Tom Thompson au Musée des beaux-arts de Vancouver, à l'émission CBUF Bonjour le 2 octobre 2002. Et juste avant, vous entendiez le professeur d'histoire de l'art François Gagnon à l'émission À livre ouvert en décembre 1970. Pour nous présenter le travail du groupe des Sept, je reçois Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec à Québec. Anne-Marie Bouchard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique l'énorme place? Parce que c'est vrai que le groupe des Sept, ça occupe une place énorme dans l'imaginaire canadien, dans l'art canadien. Qu'est-ce qui explique cette place énorme que ce groupe-là a occupé et occupe toujours? Bien, c'est qu'ils vont en fait prendre le devant de donner une espèce d'image culturelle au nation building canadien qui est en train, donc le Canada est en train de se construire comme nation, de construire sa crédibilité internationale. De s'éloigner du côté britannique. Oui, exactement. Et là, il y a cette volonté en fait de faire le même mouvement en art et c'est vraiment le groupe des Sept qui va donner d'une certaine façon une espèce d'image de marque à cette modernité canadienne du début du 20e siècle. Quoiqu'il y a encore beaucoup de choses à nuancer en fait dans ce portrait-là qu'on a construit aussi les historiens d'art depuis l'émergence du groupe des Sept. C'est une idée très, à la fois, j'allais dire très romantique, oui. Un Canada un peu inventé, rêvé, très politique et très romantique. Oui, oui, très rêvé, en fait, avec cette idée d'une espèce de forêt boréale totalement sauvage, de contrées qui n'ont jamais été habitées. Tout cela, évidemment, est problématique du point de vue quand on le regarde aujourd'hui, parce qu'on sait bien que c'est un territoire qui était habité par d'autres personnes, mais c'est vraiment cette idée, donc, de s'approprier cette image-là pour en faire l'image de marque du Canada et c'est, du point de vue du groupe des Sept, c'est une immense prétention autant culturelle et artistique que politique d'une certaine façon parce qu'ils vont vraiment prétendre être la première école de peinture nationale du Canada, ce qui effectivement va genre finalement générer des réactions assez polémiques aussi. Ouais. Puis on va y revenir parce qu'il y a une prétention, on peut probablement même parler d'arrogance dans ce que propose le groupe des Sept et dans l'importance qu'il s'auto-octroie. Parlons quand même d'abord un peu de peinture pour qu'on sache de quoi on parle. Oui, la nature sauvage, les grands espaces, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Le style du groupe des Sept? À quoi est-ce qu'on reconnaît un tableau du groupe des Sept? Mais en fait, ce qu'on y voit en général, c'est effectivement la forêt boréale, mais vraiment interprété dans un style qui, au départ, va se rapprocher beaucoup de la peinture post-impressionniste française, des peintres un peu plus de la vogue symboliste qui vont travailler un peu avec le cloisonnisme qui était en fait des grands aplats de couleurs cerclés d'un trait plus foncé. Et donc, ça avait une dimension assez visuellement percutante aussi. Les couleurs n'étaient plus nécessairement utilisées comme elles l'étaient durant l'impressionnisme. Les impressionnistes avaient cette prétention en fait de regarder la nature et d'avoir la volonté d'une certaine façon de nous restituer ce que leur sens avait perçu. Donc, c'est très introspectif. Lorsqu'on arrive arrive avec cette nouvelle vogue des post-impressionnistes, ce qui va vraiment être plus mis de l'avant, c'est cette idée qu'on va projeter les émotions que nous procure la nature sur l'œuvre et donc d'essayer de faire revivre ces émotions fortes là au spectateur à travers un traitement de la couleur qui va être très saturé. C'est très graphique aussi et ils ont des influences du design graphique, évidemment, parce que c'est de là dont ils arrivent. Mais c'est visuellement vraiment plus percutant que ce qu'on peut imaginer parce que c'est des couleurs très franches. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'empattement aussi. Donc, il y a cette espèce de synthèse entre l'expérience de la forêt dans tout ce qu'elle peut avoir de rustique, ouais, et d'une peinture qui se veut aussi d'un certain point de vue rustique. Est-ce qu'on peut parler d'influence? Parce que je lisais en préparant le dossier que certains membres du groupe des Sept vont voir une expo de peintres scandinaves à Buffalo autour de 1912-1913. Il y a une influence nordique, on peut oui. dire ça? Oui, oui, effectivement. Au départ, dans leur peinture, au début, lorsqu'ils se rencontrent, c'est pas si franc, en fait, cette relation avec les paysages nordiques. Ça va le devenir au fur et à mesure du temps. Mais cette exposition-là, donc, à Buffalo, c'est Lauren Harris puis James MacDonald qui vont aller la voir et qui vont se rendre compte, en fait, que c'est possible de faire une espèce de synthèse de ces tendances-là post-impressionnistes et d'une nature sauvage nordique. Parce que et ils ont le sentiment que ce qu'ils voient dans la peinture scandinave pourrait aussi être intéressant du point de vue canadien. Ouais. Et ça va, d'une certaine façon, cristalliser, en fait, cette synthèse-là entre deux choses pour lesquelles ils ne trouvaient pas nécessairement de filon très, très gagnant. Là. Ouais. Alors, on vient d'en nommer deux, mais vous pourrez nous les présenter davantage. Mais qui sont, Anne-Marie Bouchard, ces fameux sept du groupe des sept? Bien, en fait, il y a d'abord Lauren Harris, Franklin Carmichael, Franz Johnston, Arthur Lismer, John Edward Irving MacDonald et Frédéric Varley. Donc ça, ce sont les sept auxquels on va souvent associer Tom Thompson, ouais, malgré le fait qu'il soit décédé 3 ans avant la fondation officielle du groupe des sept en 1920. À l'exception, en fait, de Lauren Harris, ce sont tous... parce que Lauren Harris, c'est l'héritier de la grande compagnie de fourniture agricole Massey Harris, donc il est indépendant de fortune, alors que les autres vont avoir besoin de gagner leur vie. Et ils vont se rencontrer, parce qu'ils travaillent tous dans le milieu du design graphique torontois, ils vont se rencontrer dans une firme qui s'appelle Grip Limited, qui est une firme de design graphique torontois. Et c'est là qu'ils vont commencer, en fait, à vraiment se rencontrer pour discuter. Ils se rencontrent au Arts and Letters Club de Toronto aussi pour souper, pour discuter, pour partager un peu leur point de vue sur l'art, montrer leurs travaux. Et c'est un groupe qui va se construire comme ça tranquillement à partir de 1912-1913 et qui va vraiment se fonder en 1920 avec une première exposition, le moment où ils vont vraiment s'affirmer comme groupe des sept. Ouais. Parler de Tom Thompson, c'est intéressant parce que effectivement, il meurt avant que le groupe des sept soit officiellement constitué, donc il n'en fait pas officiellement partie, mais pourtant, il aura une très, très grande influence sur le groupe des sept. Tom Thompson, lui, cette peinture correspond à l'homme, hein? Ce grand ermite qui ne parle pas, mais qui se plaît à se retrouver au milieu de la nature, au milieu d'un lac, dans un canot à pêcher. Eh bien, ça respire dans ses esquisses principalement. Et comme les randonneurs d'aujourd'hui, il porte son matériel sur son dos, dans absolument, son canot? Absolument. Il porte tout avec lui et il part des mois. Donc, il arrive au moment où les lacs calent, donc au tout début du printemps, et il quitte en plein automne, au mois de novembre, pour regagner Toronto. Les aspects plus rudes de la nature qui l'a attiré dès le début, quand il commence à peindre vers 1912, qu'en effet, qu'il trouve quelque chose d'unique, quelque chose qui l'attire et qui va de peindre. Alors, aussi, c'est le changement des saisons. Et, dès 1914, il va aller au Parc Algonquin fin hiver, début du printemps. Il va faire des esquisses, voyager en canot dans le parc jusqu'à fin d'automne, début d'hiver. Et puis, il va faire ses toiles à Toronto dans son studio pendant l'hiver. C'est la raison pour laquelle il sera en mesure de se retrouver pendant des mois dans le Parc Algonquin, tout seul, à se promener avec son bagage pour saisir les saisons. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi. Oui, et pour lui permettre d'exprimer cette passion dévorante qui est pour lui la couleur. Parce que c'est un extraordinaire coloriste. Encore aujourd'hui, on regarde ses esquisses, ses tableaux, et les couleurs sont d'une fraîcheur. Extrait des émissions D'un soleil à l'autre du 1er mai 2003 et CBUF Bonjour du 2 octobre 2002. Vous y avez entendu Daniel Drouin, qui est conservateur au Musée national des beaux-arts à Québec, et Charles Hill, qui est conservateur au Musée des beaux-arts de Vancouver. Alors, quelle importance il aura, Tom Thompson, dans l'histoire du groupe des Sept, Anne-Marie Bouchard? Mais en fait, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, à la base, travaille dans le milieu du design graphique aussi. Donc, il va rencontrer ses futurs collègues du groupe des Sept à la Grip Limited, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, il essaie aussi, pendant la guerre, de s'engager, en fait, pendant la Première Guerre, dans l'armée, et ça ne fonctionne pas. Et il va devenir guide au parc Algonquin, donc qui est un peu au nord de Toronto. Et à partir du moment où il va pouvoir, en fait, se retrouver, comme le disait M. Hill, se retrouver là presque pendant tout l'été, donc de la fin de l'hiver jusqu'à l'automne, à observer la nature, à trouver les meilleurs points de vue dans le parc. Et effectivement, il est amoureux de plein air. Il adore l'endroit où il se trouve. C'est quelqu'un clairement de très introspectif, de très probablement spirituel aussi dans son rapport avec la nature. Et il va créer quelques-unes des œuvres qui sont vraiment emblématiques. Du moment où il est engagé en 1914, jusqu'à sa mort en 1917, c'est vraiment le moment où, ces trois années-là, il va faire les tableaux les plus importants qui sont encore ceux qui sont emblématiques du style du groupe des Sept, dont le Jack Pine, en fait, qui est au Musée des beaux-arts du Canada. Et c'est un tableau qui, symboliquement, est assez intéressant parce qu'on y voit un arbre qui est comme abandonné sur un rocher en face d'un lac et qui est battu par les vents. Et on peut extrapoler et y voir, d'une certaine façon, une métaphore de leur propre rôle d'artiste. En fait, ils se perçoivent aussi comme ça, d'une certaine façon, des personnes qui sont ancrées dans le territoire canadien, cherchent vraiment une voie nationale pour la culture, et en même temps, ils se sentent battus par les vents du conservatisme. Et donc, cette idée-là d'une espèce de synthèse entre ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils expriment dans leur relation avec la forêt et leur peinture qui est pleine de rugosité, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi cette dimension-là très spirituelle de leur propre relation avec la nature. Donc, une influence très, très forte, Thompson, sur les membres du groupe des Sept, tant sur le plan graphique, sur le plan, d'abord, de ce qu'on peint, le style, c'est là, mais aussi, je pense, il passe ses étés dans la forêt, la manière de travailler aussi. Oui, en fait, ils vont se déplacer beaucoup en groupe et ils vont vraiment faire des voyages où ils vont louer des espèces de voitures pour partir d'une gare de train puis s'en aller plus loin pour aller explorer. Et donc, ils vont tout d'abord explorer le parc Algonquin, puis après ça, ils vont déborder aussi. Mais ils ont vraiment cette volonté de se transformer en espèce d'explorateur ou presque un peu comme des explorateurs qui sont en train de découvrir un territoire, mais qui vont le peindre en même temps, et ils vont chercher toujours leur inspiration de plus en plus loin. Et il y a même des historiens qui se sont amusés, des collectionneurs qui se sont amusés pendant des années à essayer de retrouver l'ensemble des points de vue précis qui avaient été utilisés par les membres du groupe des Sept, parce que ça reste relativement mystérieux, donc vu qu'ils étaient quand même dans la forêt assez dense. Ouais. Revenons sur le projet politique, je dirais. On l'a un peu évoqué, il y a un contexte très particulier, il y a une volonté, c'est un Canada qui est encore britannique, mais on veut faire construire, définir cette nation canadienne. Et pour ce qui est du groupe des Sept, c'est définir peindre l'image qui correspond, l'image type qui correspond à cette nation canadienne. Parlez-moi de ça. C'est quoi le projet politique du groupe des Sept? Mais en fait, il s'autoproclame première école nationale de peinture du Canada. Donc, leur objectif, c'est vraiment d'affirmer une espèce de rupture avec la peinture canadienne qui s'est faite auparavant. C'est-à-dire, entre autres, beaucoup les artistes impressionnistes qui étaient plus... il y en avait beaucoup en Ontario, mais plus centrés aussi au Québec, d'essayer de rompre, en fait, le lien avec la peinture européenne. C'est un peu ça leur objectif, en disant les impressionnistes canadiens ont peint le territoire canadien, mais ils l'ont toujours fait en empruntant une technique picturale qui était à la base typiquement européenne. Et donc, nous, on cherche à vraiment créer un mouvement qu'on va juger à être typiquement canadien et qui n'a rien emprunté, donc, à cette peinture européenne. Et donc, ça arrive au même moment où le Canada est en train de se constituer vraiment une espèce de crédibilité au niveau international, autant politique qu'économique, comme une figure qui veut prendre sa place dans l'ensemble des nations. Et le groupe des sept a cette même prétention au niveau artistique aussi, de dire, ben voilà, Toronto, c'est une grande métropole, on est à Toronto, on est dans un centre moderne, et juste au nord de notre ville, on a des forêts immenses, un territoire sauvage, et c'est dans cette espèce de dualité-là entre la vie en ville, l'attractivité de tout ce qui est modernité, et en même temps leur intérêt pour la forêt, qui vont vraiment trouver un projet qui va venir canaliser cette idée de peinture nationale canadienne. Oui, mais cette peinture nationale, territorialement, ce sera justement cette forêt pas très loin au nord de Toronto. Là. C'est ça qu'ils peignent. Oui, exactement. Bien, en fait, ils vont commencer par peindre vraiment plutôt dans le parc algonquin, étant donné que Thompson est plutôt centré à cet endroit. Et par la suite, ils vont aller explorer au plus la baie Georgienne, donc dans le comté de Muskoka, ensuite un peu plus au nord, dans la région de Algoma, qui est plus loin un peu, mais ils vont rester vraiment au nord de Toronto. Donc, ils sont pas dans le Grand Nord, là. Ils sont vraiment dans les terres autour du lac Huron. Et ils vont pas nécessairement aller explorer bien au-delà de ça, mais on voit qu'ils sont quand même portés par autre chose. Et par la suite, aux années 30, ils vont commencer à se déplacer plus loin sur le territoire, entre autres au Québec et en Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qui fait que la gestation est si longue, Anne-Marie Bouchard? Les premiers balbutiements du groupe, ces gens-là commencent à se rencontrer là, autour de 1910, mais la naissance officielle, la création du groupe des sept, c'est avec cette expo à Toronto en 1920. Qu'est-ce qui fait que ce sera si long? Bien, d'abord, ils se rencontrent en 1912, 13, en 1914, la guerre éclate, et deux d'entre eux vont partir pour la guerre, Jackson et Varley, et vont devenir des peintres officiels, en fait, de guerre. Il y en a d'autres qui essaient de s'enrôler, ça fonctionne pas. Lauren Harris va finir par avoir des difficultés. Et lorsque la guerre se termine, bien, ils viennent de vivre un coup difficile avec le décès de Tom Thompson en 1917. Donc déjà, c'est difficile pour eux. Et en plus, bien, c'est des années où économiquement, c'est plus difficile parce qu'on sort d'un conflit qui a, d'une certaine façon, donné un coup de pouce à l'économie canadienne. Et donc, ça va prendre un peu de temps donc, avant qu'ils retrouvent leur marque. En 1919, ils vont recommencer à se promener sur le territoire. Et c'est vraiment en 1920, donc, ils décident de donner un coup d'envoi avec une première exposition à l'Art Gallery of Ontario, le Musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto. Ça, c'est vraiment la naissance officielle. Comment va être reçue leur peinture? Aline Desjardins en discute avec Michel Pantazi du Musée des beaux-arts du Canada, la Galerie nationale à l'époque, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1973. Mais comment expliquez-vous les réactions aux premières expositions? Je pense à celles de 1920, celles qui ont suivi. Parce qu'il y a eu quand même des réactions violentes de la part. Certains journaux ont écrit « estomac d'ivrogne » en qualifiant ainsi l'étoile. Et Éric Braun, en Chambre des communes, a été pris à partie alors qu'il appuyait les peintres, le groupe des sept. Alors, comment expliquer cette réaction si violente? Hector Charlesworth, qui était le critique d'art le plus important écouté de l'époque, a cru qu'il est allé trop loin, qu'il rejetait par trop de formules qui étaient employées. Disons, cela manquait de perspective, cela paraissait un peu... Ah oui, là, Charlesworth a dit, c'est un pot de peinture jeté dans le visage public. Quelque chose qu'on avait déjà dit avant sur un autre peintre des années avant. Mais en principe, on a découvert maintenant qu'ils ont été moins critiqués qu'on le croyait et que peut-être ils ont encouragé ce mythe des peintres du groupe des sept pour montrer quelle existence héroïque. Certainement, ils étaient critiqués par beaucoup de gens, mais ils ont été aussi admirés par beaucoup de gens. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Comment sera donc réellement reçu le travail du groupe des sept lors de cette première exposition en mai 1920? Qu'est-ce qui appartient au mythe et qu'est-ce qui peut-être construit par eux-mêmes, le groupe des sept, et qu'est-ce qui appartient à la réalité, Anne-Marie Bouchard? Bien, en fait, ils comprennent bien le contexte dans lequel ils sont, qui est un contexte particulier où la plupart des avant-gardes, qu'elles soient européennes ou même américaines, ont tendance à se positionner comme ça dans l'espace public par un grand coup d'éclat, en ayant des prétentions gigantesques, un ton grandiloquent, en se présentant en fait comme des révolutionnaires, littéralement. Et ils vont effectivement chercher la polémique parce que c'est à travers la polémique qu'ils vont réussir à vivre d'une certaine façon, à faire connaître leur travail. On le dit toujours, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Et il vient d'avoir l'Armory Show en 1913 à New York. Ça a été un immense scandale auprès des critiques d'art et c'est la peinture moderne de l'Europe qui est exposée aux Américains pour la première fois. Ils sont pas innocents, ils comprennent toute cette dynamique-là et ils essaient clairement de reproduire la même chose et ils vont répondre de façon systématique à toutes les critiques des journalistes en rajoutant une couche. Et donc, ils font, d'une certaine façon, c'est parfaitement construit tout ça et c'est parfaitement logique dans le contexte. Et c'est peut-être plus le discours, en fait, le discours qu'ils tiennent que la peinture qu'ils font qui va choquer. Oui, parce qu'en fait, ils ont des appuis depuis longtemps. Éric Braun, qui va devenir le directeur du Musée des beaux-arts du Canada dans les années suivantes, acquiert les toiles des membres du groupe des sept avant même. la fondation du groupe des Sept. Ils ont des appuis, mais c'est sûr que la manière dont ils se présentent dans l'espace public, en prenant parole, ça ne fonctionne pas nécessairement bien pour beaucoup de gens qui trouvent que les ambitions sont nettement démesurées par rapport à la production artistique, tout simplement. Puis on comprend, en fait, quand on dit « rien de valable n'existait avant nous », c'est une critique de tout ce qui s'est fait avant nous. Parlons un petit peu du côté très... On l'a évoqué, mais c'est très ontarien, c'est très torontois, ce groupe-là. Comment ça va se développer? Comment ça sera perçu, cet Ontario, ce Toronto-centrisme? Bien, moi, personnellement, je le vois encore comme ça. Je pense que ça a été un moment important aussi au point de vue de l'histoire de l'art canadienne. C'est vraiment ce moment où on va décentrer l'histoire de l'art canadienne du Québec pour la transporter de plus en plus vers l'Ouest. Et en fait, c'est intéressant pour eux parce que Toronto est rendu une grande métropole. Ça permet d'une certaine façon de dire, ben voilà, il y a eu beaucoup d'artistes au Québec depuis la colonisation. Il y a des grands peintres de paysages québécois, mais ils ne sont pas allés aussi loin que nous, on est prêts à aller. Et donc, ça parle vraiment des deux solitudes canadiennes. Ça parle de plein de choses parce que quand on connaît la peinture québécoise de paysages, entre autres des Suzor Côté ou des Clarence Gagnon, on sait que, d'une certaine façon, les peintres du groupe des Sept vont emprunter certaines choses très modernes que ces peintres-là commencent à faire déjà dans leurs œuvres. C'est pas deux mondes qui sont complètement imperméables. Donc, il y a des inspirations de part et d'autre. Et il y a toute une vie intellectuelle, entre autres, à Montréal. Et donc, quand les peintres du groupe des Sept se présentent comme étant les seules personnes qui sont en train d'essayer de faire avancer la modernité artistique au Canada, ben c'est nettement exagéré par rapport à ce qu'on sait historiquement de tout ce qui se passait dans... pas seulement à Montréal, à Québec aussi, il y avait des gens qui étaient déjà engagés dans ce même combat. Le groupe s'est dissous en 1933. Pourquoi? En fait, le groupe finit par comprendre. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui vont mourir aussi, il y a des gens qui déménagent, qui quittent le groupe. Et ça devient assez clair que si on veut être une école de peinture nationale, il ne faut pas nécessairement être seulement centré sur Toronto. Et donc, ils vont intégrer Edwin Holgate, qui est montréalais, puis ensuite, ils vont intégrer Lemoine Fitzgerald, qui est à Winnipeg, au Manitoba. Et finalement, en 1933, ça devient assez clair qu'il y a toutes ces personnes dont je parlais, qui sont un peu partout sur le territoire, qui ont la même volonté de faire avancer la modernité, doivent être réunis. Donc, c'est là qu'ils vont fonder la... Ils vont tout simplement s'aborder le groupe des Sept et fonder une autre association plus large qui va intégrer l'ensemble des artistes peintres qui s'intéressent à la modernité, y compris les femmes artistes du groupe de Beaver Hall. Et aujourd'hui, très concrètement, quelle place ça occupe, le travail du groupe des Sept, dans le paysage, dans le monde de l'art canadien? Bien, il est encore extrêmement présent parce que sa valeur historique et sa valeur marchande, la valeur marchande, en fait, des peintres du groupe des Sept, en particulier Lauren Harris, est absolument exponentielle depuis des années. Historiquement, on les considère toujours comme aussi intéressants. Ceci dit, eux-mêmes, aux années 50, je pense à A.Y. Jackson, à un moment donné, a commencé à se questionner sur l'héritage du groupe des Sept dans la mesure où cette nature sauvage qu'on avait présenté était quand même une nature qui avait été habitée par les Autochtones. Oui. Et donc, à se questionner sur ce qu'on avait envoyé comme message de ce qu'était le Canada et de l'héritage négatif que ça pouvait avoir. Mais c'est sûr que c'est des peintres qui sont d'un grand intérêt. Et on peut voir leurs œuvres à l'Art Gallery of Ontario à Toronto, au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et à la collection d'art canadien McMichael qui est à Kleinburg en Ontario, aussi au nord de Toronto. D'ailleurs, c'est là que 6 des membres du groupe des Sept sont aussi enterrés. Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.